Section 112 des Mille et une nuits, tome 3e. Deuxième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. Deuxième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Après ce complot pernicieux, les deux sœurs se virent souvent, et chaque fois elles ne s'entretenaient que des voies qu'elles pourraient prendre pour traverser et même détruire le bonheur de la sultane, leur cadette. Elles s'en proposèrent plusieurs, mais en délibérant sur l'exécution, elles y trouvèrent des difficultés si grandes qu'elles n'osèrent s'hasarder de s'en servir. De temps en temps, cependant, elles lui rendaient visite ensemble, et avec une dissimulation condamnable, elles lui donnaient toutes les marques d'amitié qu'elles pouvaient imaginer pour lui persuader combien elles étaient ravies d'avoir une sœur dans une si haute élévation. De son côté, la sultane les recevait toujours avec toutes les démonstrations d'estime et de considération qu'elles pouvaient attendre d'une sœur qui n'était pas entêtée de sa dignité, et qui ne cessait de les aimer avec la même cordialité qu'auparavant. Quelques mois après son mariage, la sultane se trouva enceinte. Le sultan en témoigna une grande joie, et cette joie, après s'être communiquée dans le palais et à la cour, se répandit encore dans tous les quartiers de la capitale de Perse. Les deux sœurs vinrent lui en faire leurs compliments, et dès lors, en la prévenant sur la sage-femme dont elle aurait besoin pour l'assister dans ses couches, elles la prièrent de n'en pas choisir d'autre qu'elle. La sultane leur dit obligeamment: « Mes sœurs, je ne demanderai pas mieux, mais comme vous pouvez le croire, si le choix dépendait de moi absolument. » Je vous suis cependant infiniment obligé de votre bonne volonté. Je ne puis me dispenser de me soumettre à ce que le sultan en ordonnera. Ne laissez pas néanmoins de faire en sorte chacune que vos maris emploient leur ami pour faire demander cette grâce au sultan. Et si le sultan m'en parle, soyez persuadé que non seulement je lui marquerai le plaisir qu'il m'aura fait, mais même que je le remercierai du choix qu'il aura fait de vous. » Les deux maris, chacun de son côté, sollicitèrent les courtisans, leurs protecteurs, et les supplièrent de leur faire la grâce d'employer leur crédit pour procurer à leurs femmes l'honneur auquel elles aspiraient. Et ces protecteurs agirent si puissamment et si efficacement que le sultan leur promit d'y penser. Le sultan leur tint sa promesse, et dans un entretien avec la sultane, il lui dit qu'il lui paraissait que ses sœurs seraient plus propres à la secourir dans ses couches que toute autre sage-femme étrangère, mais qu'il ne voulait pas les nommer sans avoir auparavant son consentement. La sultane, sensible à la déférence dont le sultan lui donnait une marque si obligeante, lui dit: « Sire, j'étais disposée à ne faire que ce que votre majesté me commandera, mais puisqu'elle a eu la bonté de jeter les yeux sur mes sœurs, je la remercie de la considération qu'elle a pour l'amour de moi, et je ne dissimulerai pas que je les recevrai de sa part avec plus de plaisir que des étrangères. » Le sultan Khusrusha nomma donc les deux sœurs de la sultane pour lui servir de sage-femme, et dès lors l'une et l'autre passèrent au palais avec une grande joie d'avoir trouvé l'occasion telle qu'elle pouvait la souhaiter d'exécuter la méchanceté détestable qu'elles avaient méditée contre la sultane, leur sœur. Le temps des couches arriva et la sultane se délivra heureusement d'un beau prince comme le jour. Ni sa beauté ni sa délicatesse ne furent capables de toucher ni d'attendrir le cœur des sœurs impitoyables. Elles l'enveloppèrent de linge assez négligemment, le mirent dans une petite corbeille et abandonnèrent la corbeille au courant de l'eau d'un canal qui passait au pied de l'appartement de la sultane. Et elles produisirent un petit chien mort en publiant que la sultane en était accouchée. Cette nouvelle désagréable fut annoncée au sultan et le sultan en conçut une indignation qui eût pu être funeste à la sultane si son grand vizir ne lui eût représenté que sa majesté ne pouvait pas, sans injustice, la regarder comme responsable des bizarreries de la nature. La corbeille, cependant, dans laquelle le petit prince était exposé, fut emportée sur le canal jusque hors de l'enceinte d'un mur qui bornait la vue de l'appartement de la sultane par le bas, d'où il continuait en passant au travers du jardin du palais. Par hasard, l'intendant des jardins du sultan, l'un des officiers principaux et des plus considérés du royaume, se promenait dans le jardin le long du canal. Comme il eut aperçu la corbeille qui flottait, il appela un jardinier qui n'était pas loin. « Va promptement, dit-il en la lui montrant, et apporte-moi cette corbeille que je vois ce qui est dedans. » Le jardinier part, et du bord du canal il attire la corbeille à soi, adroitement avec la bêche qu'il tenait, l'enlève et la porte. L'intendant des jardins fut extrêmement surpris de voir un enfant enveloppé dans la corbeille, et un enfant lequel, quoiqu'il ne fît que de naître, comme il était aisé de le voir, ne laissait pas d'avoir des traits d'une grande beauté. Il y avait longtemps que l'intendant des jardins était marié, mais quelque envie qu'il eût d'avoir ligné, le ciel n'avait pas encore secondé ses vœux jusqu'alors. Il interrompt sa promenade, se fait suivre par le jardinier chargé de la corbeille et de l'enfant, et quand il fut arrivé à son hôtel, qui avait entré dans le jardin du palais, il entra dans l'appartement de sa femme. « Ma femme, dit-il, nous n'avions pas d'enfant, en voici un que Dieu nous envoie. Je vous le recommande. Faites-lui chercher une nourrice promptement et prenez-en soin comme de notre fils. Je le reconnais pour tel dès à présent. La femme prit l'enfant avec joie et elle se fit un grand plaisir de s'en charger. L'intendant des jardins ne voulut pas approfondir d'où pouvait venir l'enfant. Je vois bien, se disait-il, qu'il est venu du côté de l'appartement de la sultane, mais il ne m'appartient pas de contrôler ce qui s'y passe ni de causer du trouble dans un lieu où la paix est si nécessaire. L'année suivante, la sultane accoucha d'un autre prince. Les sœurs dénaturées n'eurent pas plus de compassion de lui que de son aîné. Elles l'exposèrent de même dans une corbeille sur le canal, et elles supposèrent que la sultane était accouchée d'un chat. Heureusement pour l'enfant, l'intendant des jardins était près du canal, le fit enlever et porter à sa femme, en la chargeant d'en prendre le même soin que du premier, ce qu'elle fit non moins par sa propre inclination que pour se conformer à la bonne intention de son mari. Le sultan de Perse fut plus indigné de cet accouchement contre la sultane que du premier, et il en eût fait éclater son ressentiment si les remontrances du grand vizir n'eussent encore été assez persuasives pour l'apaiser. La sultane enfin accoucha une troisième fois, non pas d'un prince mais d'une princesse. L'innocente eut le même sort que les princes et frères. Les deux sœurs qui avaient résolu de ne pas mettre fin à leur entreprise détestable, qu'elles ne vissent la sultane leur cadette au moins rejetée, chassée et humiliée, lui firent le même traitement en l'exposant sur le canal. La princesse fut secourue et arrachée à une mort certaine, par la compassion et par la charité de l'intendant des jardins, comme les deux princes et frères, avec lesquels elle fut nourrie et élevée. À cette inhumanité, les deux sœurs ajoutèrent le mensonge et l'imposture, comme auparavant. Elles montrèrent un morceau de bois en assurant faussement que c'était une môle dont la sultane était accouchée. Fin de la deuxième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Section 112.